Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'écrivain Jean Thibaudeau, mort en 2013, laisse une œuvre romanesque importante. Mais il laisse surtout une œuvre radiophonique de tout premier plan, atypique, diverse et pleine d'inventions, qui devrait faire l'objet de belles éditions sonores, comme l'est son magnifique reportage international d'un match de football, dans la version originale mise en onde par Alain Trucard en 1961 et édité par Fonurgia Nova. En 1966, l'écrivain Jean Thibaudeau écrivit pour la radio une série dramatique intitulée « Histoire de fantômes ». Les histoires de fantômes autorisent les sensations les plus délicieuses qui soient. D'ailleurs, le mot dérivé du mot fantasme désigne d'abord les images incontrôlées qui nous viennent à l'esprit, provoquées par des illusions. Or, qu'est-ce que la fiction radiophonique sinon cela? Le plus haut lieu qui soit de l'illusion. Les sons ne cessent de provoquer des images et des sensations. Bref, tout ce que l'imagination peut créer est par essence radiophonique. Et donc, les fantômes sont radiophoniques par essence, comme vous pouvez le vérifier maintenant. Récits de fantômes, une émission de Jean Thibaudeau. Aujourd'hui, le dispositif, avec Paul Barré, Pierre Delbon, Vera Feder, Claude Herval, Jean-Pierre Leroux, Pierre Marteville, Vicky Messica, Nathalie Nerval, Jean Negroni, Jean Péméja, Philippe Prince, Alain Roland et Lily Sioux. Réalisation Bronislav Horowicz. Fantôme magnétique. Dessin des lignes de force d'un champ magnétique obtenu en saupoudrant avec de la limaille de fer une surface non magnétique placée dans le champ de l'aimant. Fantôme électrique. Schéma des lignes de force obtenu en saupoudrant d'une substance conductrice un plan non conducteur situé dans le champ électrique. Vous avez déjà lu plusieurs de ces récits surprenants qui vous transporte en un point quelconque de l'histoire, juste le temps que se déroule une aventure unique mais exemplaire. Le héros est conduit impeccablement à une fin tragique,

voluptueuses et blanches, les images des temps anciens. Mais pendant que le jeune baron prêtait l'oreille au vacarme toujours croissant des écuries de Berlifitting, et peut-être méditait une nouvelle audace, ses yeux se tournèrent machinalement vers l'image d'un cheval énorme, d'une couleur hors nature, et représenté dans la tapisserie comme appartenant à un ancêtre sarrasin de la famille ennemie. Le cheval se tenait sur le premier plan du tableau, immobile comme une statue, pendant qu'un peu plus loin, derrière lui, son cavalier des fées mourait sous le poignard d'un Metzengerstein. Frédéric était fasciné. La tête pleine de sensations incohérentes comme celles des rêves, il n'avait pas la certitude d'être éveillé. Le tumulte du dehors, soudainement plus violent, détourna son attention vers une explosion de lumière rouge, projetée en plein des écuries enflammées sur les fenêtres de l'appartement. Puis, son regard retourna machinalement au mur. À son grand étonnement, la tête du gigantesque cheval avait pendant ce temps changé de position. Le cou, d'abord incliné vers le corps poignardé du sarrasin, était maintenant tendu dans la direction du baron. Les yeux, tout à l'heure invisibles, contenaient une expression énergique et humaine, et ils brillaient d'un rouge ardent et extraordinaire. Et les lèvres distendues laissaient apercevoir les dents sépulcrales et répugnantes. Terrorisé, le jeune seigneur gagna la porte en chancelant. Comme il l'ouvrait, un éclat de lumière rouge jaillit dans la salle et il vit que ce reflet remplissait exactement le contour du meurtrier. Frédéric sortit précipitamment. Dehors, à la porte principale du palais, il rencontra trois de ses écuyers qui, avec beaucoup de difficultés et au péril de leur vie, comprimaient les bonds convulsifs d'un cheval gigantesque couleur de feu. Qui ce cheval ? Votre propriété, monseigneur ! Il n'est réclamé par personne ! Nous l'avons pris comme il s'échappait, tout fumant et écumant de rage des écuries brûlantes. Nous l'avons ramené à Berlifitting. Les domestiques n'en veulent pas. Pourtant, il porte des traces de feu ! Et il y a les lettres WVV, Wilhelm von Berlifitting, marquées au fer sur son front. Mais ils n'en veulent pas ! Ils ne le reconnaissent pas ! Tout à fait singulier. Oui, un cheval remarquable et impossible. Je le veux bien. Frédéric de Metzengerstein va dompter le diable des écuries de Berlifitting. Non, il n'en vient pas. Oui. Monseigneur, une partie de la tapisserie dans votre appartement a disparu. Rien de ce qui fut dit alors ne transpira. Frédéric fit aussitôt condamner l'appartement en question et la clé lui en fut remise. Puis on apprit la mort du vieux Berlifitting dans l'incendie quand il tentait de sauver la partie préférée de son écurie. À partir de cette époque, une altération marquée eut lieu dans la conduite extérieure du jeune débauché. On ne le voyait jamais au-delà des limites de son propre domaine, et il demeurait absolument sans compagnon. À moins que ce grand cheval impétueux, hors nature, couleur de feu, qu'il montait continuellement, n'eût en réalité quelques droits mystérieux au titre d'ami. Il refusait toutes les invitations. Les gens charitables attribuaient cette retraite au chagrin naturel d'un fils privé prématurément de ses parents, oubliant sa conduite durant les premiers jours qui suivirent immédiatement cette perte. Quelques-uns accusèrent simplement en lui une idée exagérée de son importance et de sa dignité. D'autres parlèrent d'une mélancolie morbide, d'un mal héréditaire. Cependant, il y avait les insinuations plus ténébreuses, d'une nature plus équivoque. En réalité, l'attachement pervers du baron pour sa monture de récente acquisition devint à la longue, aux yeux de tous, une tendresse horrible. Dans l'éblouissement de midi, aux heures profondes de la nuit, malade ou bien portant, dans le calme ou dans la tempête, le jeune Metzengerstein semblait cloué à la selle du cheval colossal dont les intraitables audaces s'accordaient si bien avec son propre caractère. Le baron ne se servait pour l'animal d'aucun nom. Ce cheval-ci avait sa propre écurie et seul son maître l'approchait et s'en occupait. Ceux-là même qu'il avait arrêté la nuit de l'incendie n'avaient pas posé leurs mains sur son corps. L'espace qu'il franchissait d'un seul saut avait été soigneusement mesuré et il dépassait largement les conjonctures les plus aventureuses. On disait que l'animal qui faisait reculer les curieux en fixant de son œil sérieux et presque humain le jeune Metzengerstein l'avait parfois obligé à se détourner en pâlissant. Il ne se trouvait néanmoins personne pour douter de l'affection qu'excitaient chez le jeune gentilhomme les qualités brillantes du cheval. Personne, excepté un page, petit et malvenu, insignifiant, qui osait affirmer que son maître ne s'était jamais mis en selle sans un inexplicable et presque imperceptible frisson, et qu'au retour de ses longues promenades, une expression de triomphe et de méchanceté faussait tous les muscles de son visage. Pendant une nuit de tempête, Metzengerstein, sortant d'un lourd sommeil, descendit de sa chambre comme un maniaque et, montant à cheval en toute hâte, s'élança à travers le labyrinthe de la forêt. Un événement aussi commun ne pouvait attirer l'attention, mais son retour fut attendu avec anxiété quand, après quelques heures d'absence, le palais de Metzengerstein fut brusquement la proie d'un feu immaîtrisable. Comme les flammes, quand on les aperçut, avaient déjà fait un terrible progrès, les domestiques et la population se tenaient alentour sans rien faire. Mais il fut bientôt démontré combien est plus intense l'intérêt excité dans les sentiments d'une foule par la contemplation d'une agonie humaine que celui qui est créé par les plus effrayants spectacles de la matière inanimée. Sur la longue avenue bordée de chênes qui commençait à la forêt et aboutissait à la porte principale du palais Metzengerstein, le cheval, portant un cavalier qui n'était évidemment plus maître de cette course effrénée, accourait en bondissant. Le cavalier menait une lutte surhumaine. L'angoisse de sa physionomie, les efforts convulsifs de tout son être en rendaient témoignage. Mais aucun son, excepté un cri unique, ne s'échappa de ses lèvres. Le choc des sabots retentit avec un bruit aigu, plus haut que les flammes et le vent, et franchissant d'un seul bond la grande porte et le fossé, le cheval s'élança sur les escaliers branlants et disparut avec son cavalier dans le tourbillon du feu. La tempête s'apaisa tout à coup. Une flamme blanche enveloppait toujours le palais comme un suaire d'un éclat surnaturel dans l'atmosphère tranquille, pendant qu'un nuage de fumée s'abattait pesamment sur les bâtiments sous la forme distincte d'un cheval. Vous venez d'entendre Metzengerstein par Edgar Allan Poe, d'après la traduction de Charles Baudelaire. Toute cette histoire n'est au fond qu'une paraphrase ou définition du feu. Le feu combustion, développement simultané de chaleur et de lumière, le feu foyer, la famille, la maison, le supplice du feu, la chaleur intérieure, l'inspiration, le feu du génie, des passions, l'ardeur, etc. Le fantôme n'apparaît pas à proprement parler. Simplement, le feu embrase l'une et l'autre maison, promise à une fin simultanée depuis toujours. En effet, l'incendie de Berlifitzing porte aussitôt sa lumière sur Metzengerstein, sur une image de Metzengerstein, image neutre, un animal, un cheval. Lequel animal, animé par le feu, va porter à la place de son premier maître, l'ancêtre sarrasin noir Berlifitzing, le jeune Metzengerstein, lequel, héritier de sa race, hérite donc avec le cheval de l'âme de feu Wilhelm von Berlifitzing, consumée dans ses écuries, et va mourir par le feu qui a fait revivre l'image de la tapisserie animée par l'incendie voisin, va disparaître corps et âme avec le feu qui le porte dans le feu de Metzengerstein. La mendiante de Locarno, par Heinrich von Kleist, se rapproche à plus d'un titre de l'histoire précédente. Consommation d'une généalogie par l'intermédiaire d'une bête. Cette fois, l'animal n'incarne pas le fantôme. Il le désigne. Le déroulement arbitraire d'une série de hasards conduisant le héros à un dénouement fatal dans l'histoire et hors de nos représentations habituelles du temps et de l'espace y est saisissant. Au pied des Alpes, à Locarno, en Italie du Nord, il y avait un antique château qui était la propriété d'un marquis et dont on voit aujourd'hui les ruines quand on vient du Saint-Gothard. Château aux grandes pièces très hautes, dans l'une desquelles une vieille femme malade, une mendiante qui s'était présentée, fut un jour admise par la châtelaine et couchée par charité sur de la paille qu'on y avait mise pour elle. Le marquis, qui rentrait de la chasse, pénétra par hasard dans cette pièce où il déposait ses fusils, et il ordonna impatiemment à la mendiante de se relever du coin où elle était étendue et de s'en aller derrière le poêle. En se levant, la mendiante glissa sur le sol avec ses béquilles et elle se blessa grièvement au rein, de sorte que, se relevant avec beaucoup de mal, elle ne traversa de biais la pièce ainsi qu'il lui était ordonné, que pour s'affaisser avec des plaintes et des soupirs derrière le poêle et y mourir. Quelques années plus tard, quand, après une guerre et de mauvaises récoltes, le marquis se trouva dans des embarras d'argent, vint chez lui un gentilhomme florentin qui avait l'intention de lui acheter le château pour la beauté de l'endroit. Le marquis, qui tenait beaucoup à cette vente, dit à sa femme de loger le gentilhomme dans la même pièce, demeurée inoccupée, qui était arrangée avec goût. Mais le couple fut grandement surpris lorsque, au milieu de la nuit, le gentilhomme vint les trouver pâles et défaits, jurant avec vigueur qu'il y avait des revenants dans la pièce, car quelque chose qu'il n'avait pu voir s'était levé dans le coin de la chambre avec un bruit de paille, avait traversé lentement, de biais, toute la pièce, à pas distincts et malhabiles, et s'était affaissé avec des plaintes et des soupirs derrière le poêle. Le marquis, effrayé sans bien savoir pourquoi, se moqua du gentilhomme avec une fausse désinvolture et lui dit qu'il allait se lever pour le calmer, passer avec lui la nuit dans la chambre. Mais le gentilhomme lui demanda de bien vouloir l'autoriser à terminer la nuit dans la chambre même du marquis, assis sur un fauteuil. Et au matin, il fit atteler, fit ses adieux et s'en alla. Cette affaire, qui eut beaucoup d'écho, effraya et retint plusieurs acheteurs, ce qui était tout à fait fâcheux pour le marquis. Et comme incompréhensible et surprenant, le bruit courait parmi ses propres domestiques, qu'on entendait marcher dans cette pièce vers minuit, il prit la décision, pour arrêter cette rumeur, de se livrer à une expérience décisive et de voir ce qu'il en était dès la prochaine nuit. À la tombée du jour, il fit par conséquent dresser son lit dans la chambre en question et il attendit minuit sans dormir. Mais grande fut son émotion lorsqu'en effet, quand sonna l'heure des fantômes, il entendit le bruit inexplicable. Apparemment, un être se relevait d'un tas de paille qui crissait sous lui, traversait de biais toute la pièce pour s'affaisser avec des plaintes et des soupirs derrière le poêle. Quand il descendit le lendemain matin, la marquise lui demanda comment l'expérience s'était déroulée. Il jeta autour de lui des regards mal assurés, et après avoir fermé le verrou de leur porte, il lui dit que l'histoire du fantôme était vraie. Alors, elle frissonna comme cela ne lui était jamais arrivé de sa vie, et le pria avant qu'on sache ce qu'il en était de procéder une fois encore de sang-froid et avec elle à un dernier examen de la chose. La nuit suivante, tous deux, et un domestique qu'ils avaient pris avec eux, entendirent le même bruit, incompréhensible et surnaturel. Et seul le désir de se défaire du château à tout prix leur donna la force de dissimuler en présence de leur domestique la terreur qui les envahissait et d'expliquer le phénomène par quelque hasard sans importance qu'on finirait bien par découvrir. Troisième soir, quand, pour connaître le dernier mot de l'énigme, ils montaient tous deux, le cœur battant, l'escalier qui conduisait à la chambre, le chien de la maison, qui avait été détaché, se trouva devant leur porte par hasard, si bien que tous deux, sans se le formuler à eux-mêmes, peut-être dans le but obscur d'avoir cette fois encore un tiers vivant avec eux, firent entrer le chien dans la chambre. Après avoir posé deux chandelles sur la table, vers 11 heures, ils s'étendirent, chacun sur son lit, la marquise tout habillée, le marquis avec une épée et un pistolet qu'il avait sorti de l'armoire. Et cependant qu'ils essaient maladroitement de converser, le chien se couche recroquevillé en rond au milieu de la chambre et s'endort. Et à minuit, on entend un bruit effroyable. Quelqu'un qu'on ne peut pas voir avec les yeux se dresse dans le coin de la chambre sur ses béquilles. On entend la paille crisser sous lui. Et au premier pas, avec le bruit des béquilles, le chien se réveille. Il se lève brusquement du sol, les oreilles dressées, il grogne, il aboie. Sur la défensive, il recule lentement vers le poêle, comme si quelqu'un avançait sur lui. Voyant cela, la marquise sort en courant, les cheveux dressés sur la tête. Et le marquis prend son épée et demande en criant « Qui est là ?» Et personne ne répondant, il frappe l'air de son épée dans tous les sens, frénétiquement. Pendant ce temps, la marquise fait atteler, bien décidée à s'enfuir à la ville sans tarder. Le temps de prendre quelques affaires en hâte, et avant même que sa voiture passe la porte, à grand bruit, elle voit déjà les flammes s'élever du château partout embrasées. Le marquis, affolé, furieux, ayant renoncé à vivre, avait mis le feu à tout le château lambrissé de bois avec une chandelle. C'est en vain que la marquise envoya des domestiques à son secours. Il avait déjà trouvé la mort la plus affreuse. Et aujourd'hui encore, ses os blanchis, recueillis par les paysans, reposent dans ce coin de la chambre d'où il avait ordonné à la mendiante de Locarno de se lever. Ici, comme dans Metzeltkarstein, la porte, ou plus exactement le passage de la porte, est mise en relation étroite avec l'incendie de la maison. Moins visiblement, mais avec autant de raison, nous pouvons penser que cela a eu lieu parce que le propriétaire voulait abandonner sa maison, autrement dit, à cause des ancêtres, tout comme dans Metzeltkarstein. Il nous faut par conséquent admettre que la mendiante s'est d'abord présentée au château en prévision d'une vente dont il n'était cependant pas question. Kleist, sans la connaître, confirme donc cette idée d'Edgar Poe qu'une œuvre n'est réellement lisible qu'à partir de son dénouement et qu'un bon auteur doit avoir en vue la dernière ligne de son récit quand il écrit la première. Enfin, l'analogie foyer-incendie n'est pas moins éclatante. Le chien n'est-il pas en fait l'esprit de la maison, son gardien, le gardien des lieux l'art? Nous pouvons encore définir le dispositif commun à ce genre d'histoire. Je veux dire le rituel qui met à mort celui qui provoque ou qui voit un fantôme. Dispositif complexe en réalité. Il faut une mort préalable, puis des témoins, les uns innocents, les autres complices ou actifs. Le page, qui apprend qu'un morceau de tapisserie a disparu au baron Frédéric, décidant tout à fait celui-ci à prendre pour lui le cheval, est complice. La marquise est un témoin innocent mais actif. C'est elle qui avait recueilli la mendiante. De même, le gentilhomme florentin était indispensable. Le cheval, le chien sont des intermédiaires privilégiés. En plus des animaux, nous devrions citer tous les personnages d'une nature différente de la nature humaine classique et qui, de ce fait, se trouvent à la frontière des deux mondes, alors que les héros, issus d'une lignée, en marquent la perpétuelle succession. Ainsi, les enfants, comme dans le Tour d'écrou de Henry James, les noirs, par exemple l'ancêtre sarrasin de Berly Fitzing, personnage double et qui inquiète aussi bien les histoires sans fantômes, qu'on pense au nègre du Narcisse de Conrad, à celui de Benito Sereno de Melville, à la mulâtresse blanche avec du sang noir, des fiancés de Saint-Domingue, de Kleist précisément, ou encore, chez Henry James, à l'élève ou à ce que savait Mézée. Donc, une mort préalable, des témoins de différentes sortes, des intermédiaires vivants, animaux, enfants ou inanimés, représentations, images, portraits, de nature ambiguë, et aussi un espace à franchir, une porte à passer par le héros, qui succombe à la transgression d'un interdit, mais après lui, le mal est brûlé, le monde recommence. Owen Wingrave, de Henry James, répond à la plupart des définitions qui viennent d'être données. Owen Wingrave est le descendant d'une famille de militaires. C'est un beau jeune homme, intelligent et courageux. Il est à Londres l'élève d'un moniteur qui prépare à l'entrée à l'école militaire. Owen Wingrave est orphelin. Son père est tombé au champ d'honneur en Afghanistan. Le crâne fendu en deux. Sa mère est décédée aux Indes en accouchant d'un fils mort-né. Il a un frère aîné. Tout proprement un crétin, banni de la vue des humains, difforme, insociable, irrécupérable. Relégué dans un asile privé, il ne représentait plus pour les amis de cette famille qu'un petit mythe affligeant sur lequel on s'efforçait de faire le silence. Cette famille se compose du grand-père... Une relique du passé plutôt qu'une gloire. Et de Miss Wingrave, la seule de ses tantes qui, ne s'étant pas mariée, ait conservé son nom, Wingrave. Elle incarne la force. Elle représente la tradition, les exploits de l'armée britannique, la puissance d'expansion du peuple anglais. En même temps que la réputation de sa propre famille, Owen Wingrave doit encore soutenir celle de la famille Julian. Tous les Julian, en effet, sont morts pour la patrie. Mrs. Julian, fanée et falote, et sa fille, Kate, une jeune fille de 18 ans, d'une intelligence remarquable, ont en effet lié leur sort à celui des Wingrave. Owen et Kate sont épris l'un de l'autre. Tandis que Miss Wingrave, sa tante, avait été autrefois la fiancée du frère de Mrs. Julian, capitaine d'artillerie, tombé lors de la révolte des Sipains. Or, Owen Wingrave, qui a en horreur toute espèce de violence, renonce brusquement au métier des armes. Il l'annonce à son moniteur, Mr. Coyle. Mr. Coyle, la stature de Napoléon le Grand, avec une étincelle de génie dans son œil bleu clair. Mr. Coyle prévient Miss Wingrave. Owen est inébranlable. Il refuse de revenir sur sa décision. Rentré dans la demeure familiale, Penmore. Un manoir de l'époque du roi Jacques, appauvri, dégradé et remarquablement sinistre. Mais plein de caractère. À Penmore, donc, Owen résiste aux pressions de sa tante, Miss Wingrave, du vieux Sir Philip, son grand-père, et de la jeune Kate Julian. C'est alors que, afin d'agrandir et fermer tout à fait le cercle de famille, Miss Wingrave fait venir à Penmore, pour une confrontation générale et décisive, le moniteur Mr. Coyle, sa femme, une blonde, fraîche et nonchalante, et le jeune Lechmere. Le jeune Lechmere était le condisciple de Wingrave. Mais il passait aussi pour être de ses intimes, voire son meilleur ami, et jouait à son insu, aux yeux de Mr. Coyle, le rôle de repoussoir, en faisant par contraste ressortir les promesses qu'autorisaient les brillantes aptitudes d'Owen. Je résume le dispositif. Sont absents, et pèsent par cette absence, le frère idiot et les tantes mariées privées de leur patronyme. Sont morts, outre les ancêtres d'Owen, ses parents, son plus jeune frère, ainsi que le père et les ancêtres de Kate Julian. Son présent, le grand-père, Sir Philip, qui fait la liaison entre les vivants et les autres, suspendus au mur dans leur cadre doré, Miss Wingrave, prête à tout pour qu'Owen soit officier, Kate Julian également décidée, Mrs. Julian, simple témoin, et aussi Mr. et Mrs. Coyle, favorables à Owen. Et enfin, le jeune Lechmere, qui s'éprend vaguement de Kate et sera contre Owen un pion inconscient mais efficace. À Penmore, dans les jours qui ont précédé l'arrivée de Mr. et Mrs. Coyle et du jeune Lechmere, Owen a vu Kate Julian s'éloigner de lui, tandis que son grand-père et sa tante le déshéritaient. Le seul bien qui lui restera sera précisément le domaine de Penmore, où il ne pourra demeurer. Parole d'Owen à Mr. Coyle. J'ai réveillé tous les vieux fantômes. Les portraits même me regardent avec colère du haut des murs. Il y en a un, celui de mon trisaïeul dont vous connaissez l'extraordinaire histoire, le vieux gentleman accroché sur le second palier du grand escalier. Il s'agite presque sur sa toile. Il se dresse quasiment quand j'approche. Ma tante les appelle le cercle de famille. Et ils sont assis là, d'un air farouche, à me juger. Le cercle s'est formé ici. C'est une sorte de présence terrible, exigeante. Il s'étend dans le passé. Seul Mr. Coyle et sa femme, secrètement amoureuse d'Owen, eux seuls, je l'ai dit, aimeraient finalement aider Owen à sortir du piège. Pourtant, il se referme, et de façon inattendue. Kate Julian, ayant mis en doute le courage d'Owen, l'a mis au défi de pénétrer dans une chambre retirée où le trisaïeul à l'extraordinaire histoire est censé revenir. C'est le jeune Lechmere qui, stupidement, avait manifesté d'abord le désir de passer une nuit dans la chambre hantée, désir que son moniteur, Mr. Coyle, avait repoussé. Et c'est le jeune Lechmere qui a stupidement remis sur le tapis l'histoire de la chambre fatale dans une conversation qui se poursuivait tard dans la nuit avec Miss Kate et Owen. Honteux de sa maladresse, il l'a avoué à Mr. Coyle. Et Mr. et Mrs. Coyle ont passé une bonne partie de la nuit à s'inquiéter de ce qui a pu se passer entre Kate Julian et Owen après le départ de Lechmere. Ce que Mr. Coyle sut tout d'abord fut qu'il s'était éveillé en sursaut. Confus, frappé par un bruit terrifiant, la conscience lui revint bientôt, suscitée sans doute par un cri d'horreur parti de la chambre de son épouse. Mais il ne s'inquiéta pas d'elle. Déjà, il s'élançait dans le couloir. L'appel se répéta. C'était le « au secours » d'une femme en proie à une agonie de terreur. Il partait d'un point éloigné de la maison, mais la direction était suffisamment indiquée. Mr. Coyle se précipita droit devant lui, avec dans ses oreilles le claquement de portes qui s'ouvraient, des rumeurs de voix alarmées, et dans ses prunelles, la pâleur de l'aube. Au tournant d'un corridor, il aperçut une forme blanche. Une jeune fille évanouie sur une banquette, et cette brusque révélation lui apprit, tandis qu'il poursuivait sa course, que Kate Julian, frappée trop tard dans son orgueil, saisie de remords devant l'acte qu'avaient provoqué ses sarcasmes, et venue libérer sa victime, était tombée à la renverse, accablée devant une catastrophe provoquée par elle, catastrophe que l'instant d'après, Mr. Coyle mesura avec désespoir. Au seuil d'une porte béante, Owen Wingrave, vêtu comme il l'avait vu la veille, gisait mort à l'endroit même où son ancêtre avait été découvert. Il avait tout du jeune soldat tombé sur le terrain conquis. Bien. Il y a un détail que j'aimerais vous entendre préciser. Kate Julian avait donc enfermé Owen dans la chambre du trisaïeul. Eh oui, n'est-ce pas? Dans la soirée, en présence de Lechmere, quand il avait été question de cette chambre, Owen avait dit qu'il y avait passé la nuit précédente. À ce moment, Lechmere jugea qu'en effet, à voir l'expression de son visage, Owen avait dû y aller et y rencontrer quelque chose d'épouvantable. Mais Kate Julian, manifestant son incrédulité, Owen lui avait proposé de l'y enfermer et de garder la clé pour elle. Merci. L'histoire, je le suppose, est plus compliquée que ce qui en a été dit, mais chaque détail n'est là que pour confirmer l'essentiel et aggraver le poids de la fatalité. En effet. Et puisque nous ne pouvons tout dire, remarquez seulement la bizarrerie du patronyme qui interdit dès l'origine à ce malheureux Owen tout autre destin que le sien. Wingrave. Win est un verbe qui signifie gagner. Et grave, c'est la tombe. Vous venez d'entendre Récit de fantômes, une émission de Jean Thibaudeau. C'était aujourd'hui Le dispositif, avec Paul Barré, Pierre Delbon, Vera Feder, Claude Herval, Jean-Pierre Leroux, Pierre Marteville, Vicky Messica, Nathalie Nerval, Jean Negroni, Jean Péméja, Philippe Prince, Alain Roland et Lily Sioux. Prise de son, Francis Granal. Collaboration technique, Serge Elbaud. Bruitage, Joé Noël. Assistante de production, Francine Leboire. Réalisation, Bronislav Horovitch. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 5 avril 1966. Vous pouvez la télécharger pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours sur le site franceculture.fr. Dans les deux premiers arrivés, l'un était venu sans faire exprès, né dans un hôpital en grève, dans sa galette, il n'y avait pas de fèves. C'est pas qu'il était malchanceux ni qu'il était très malheureux. Ses lunettes en plastique marron lui faisait un peu une tête de con, oui. L'autre avait l'air d'un bon nervi, assez gentil mais ahuri, avec ses mocassins indiens, son costume clair et son pépin. Il devait sûrement s'appeler Machin, Saturnin ou bien Alain, son air sympa mais pas très clair. Le faire semblait à Tony Blair, à l'enterrement de ma grand-mère. On marchait tous vers le cimetière, on enterre pas les gens. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière, on enterre pas les gens. Ni dans les rues, ni dans les champs. Derrière eux, il y avait des parents, je sais pas s'ils avaient des enfants. Petit lui, il voulait un chien ou un cousin américain. Chez eux, il n'avait pas de jardin, alors il a eu un frangin. Son visage triste et ses yeux moulus, c'est un genre de tête de gnou. Il était flanqué de sa femme qui ressemblait à Jean-Claude Van Damme. Elle était carrée comme un cake et tout le carnaval de Dunkerque était pas plus maquillé qu'elle le fond de teint. Et les fausses Chanel lui donnaient cet air dégourdi d'un mercenaire travesti. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière, on enterre pas les gens. Chabdabzou, wagdagbou, like Jean Ramadou. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière, on enterre pas les gens. Ni dans les rues, ni dans les champs. À la fin de cet enterrement, on s'est retrouvé dans le restaurant d'un mec qui nous a parlé d'elle les soirs où elle était si triste qu'elle buvait 12 apéritifs avant de rentrer pleurer chez elle. C'est le cancer et la chimio qui l'ont niqué paix à ses os. Tous ces gens qui étaient venus la voir une dernière fois au crématoire, c'était ses copains du quartier, eux savaient qu'elle avait voté Mitterrand parce qu'il était beau et parce que c'était le roi du banjo. Sa tête de fouine lui donnait l'air, le même air que ma grand-mère. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière, on enterre pas les gens. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers... Oh, j'ai oublié Freddie Mercury. Chacun son Yves Morousi, chacun son Freddie Mercury. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière, on enterre pas les gens. Ah, dans les rues, dans les champs, c'est ce qu'elle est. Tu sais ce qu'elle aimait bien, ma grand-mère, c'est quand je faisais. À l'enterrement de ma grand-mère, à l'enterrement de ma grand-mère, à l'enterrement de ma grand-mère. Vous êtes de la famille? Pourquoi vous pleurez? À l'enterrement de ma grand-mère, j'entends des trucs partout. Je suis devenu complètement fou. C'est plus comme avant quand on allait bouffer chez elle et tout, on va plus la revoir. Bon. parti.